Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile, aujourd'hui je suis avec Jeanne Housseau, Aubane Dupré et Lisa Marot pour parler ce mois-ci de stéréotypes sport de filles, sport de garçons. C'est parti! Alors bonjour Jeanne, Aubane et Lisa. On va commencer par les présentations, c'est le plus simple je pense. Donc on commence par la droite, Jeanne si tu veux bien. Donc toi t'es danseuse et je te laisse te le présenter. Bonjour, moi c'est Jeanne. Je fais de la danse, je fais du contemporain et du modern jazz depuis que j'ai 4 ans. Ouais, et tu en as ? Et j'en ai 16. Voilà, donc ça fait 12 ans à peu près. Oui. Le nom de ton club, je sais pas si on dit un club ou une école de danse ? Une école, c'est Aurélia Danse. Aurélia Danse. À l'Axou, c'est ça ? Oui, à l'Axou. D'accord. Tu fais combien d'heures d'entraînement par semaine ? Je fais 2 fois 1h30. D'accord, donc voilà. Deux entraînements par semaine, deux fois par semaine. Oui. Est-ce que, dans votre groupe, vous êtes combien à peu près ? Une trentaine par groupe. D'accord, donc quand t'as un entraînement, il y a 30 personnes qui sont là ? Environ, oui. D'accord, et l'école tout entière, il y a à peu près combien de personnes, tu sais ? Non, tu sais beaucoup. Pas. Mais beaucoup. De 4 à des adultes. D'accord. Toi, je sais que je connais un peu ta famille. Tu as deux frères qui font de la course à pied et un papa qui fait de la course à pied. Et les frères sont de l'athlétisme en règle générale. Est-ce que tu as essayé de l'athlétisme ou est-ce que tu t'es dirigée tout de suite vers la danse ? Je sais pas pourquoi j'ai commencé la danse, mais j'ai jamais fait d'athlétisme. Ça m'a jamais. T'as jamais essayé ? Non, et j'ai pas envie. Pas envie ? Non. Donc c'est pour te, pas pour te démarquer, mais vraiment tu. Ça donne, enfin, ils en parlent beaucoup, ouais. Donc ça me donne pas envie. D'accord, en carrément entendre. Quoi. Oui, d'accord. Mais je te remercie. Aubane, donc à ton tour, lanceuse de marteau et pareil, même question. Depuis combien de temps ? Alors moi, je suis lanceuse de marteau depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé au début, c'était pas non plus très grand. Avant, je faisais de la danse aussi, oui, contemporaine. Excellent. Sauf que comme je grandis très vite, j'ai eu quelques problèmes, donc j'ai arrêté le sport pendant un moment et j'ai repris par lancer de marteau. Ton club ? Mon club, je suis au NAM et je m'entraîne au stade de Tomblaine. Ancien athlétisme métropole. Oui, c'est ça. Donc pareil, combien d'entraînements par semaine, toi ? Alors, 4 quand je ne suis pas en période de compétition. Et le lancer de marteau, c'est des entraînements où on lance le marteau, mais c'est aussi une préparation physique. Donc j'ai 2 entraînements de 2 heures lancer de marteau et 2 entraînements de 2 heures préparation physique. Donc musculation, d'accord. Ouais, c'est ça. Et dans votre groupe, vous êtes combien à peu près ? Alors, moi, j'ai plusieurs entraîneurs. J'ai mon père, qui est mon entraîneur pour la préparation physique. On doit être une dizaine, mais il est plus spécialisé dans le sprint, mais il fait aussi la préparation physique. J'ai qu'un seul entraîneur pour lancer de marteau. Et moi, il m'entraîne toute seule. D'accord. Il fait aussi d'autres entraînements, mais moi, quand il m'entraîne, c'est vraiment, on n'est que tous les deux. Et dans votre groupe, vous êtes, y a que des filles ou il y a des filles et des garçons, c'est mis ? Alors, je suis la seule fille. Il y a pas longtemps, j'étais encore la seule fille, pardon, et maintenant on a accueilli une nouvelle, mais c'est vrai que majoritairement il y a que des garçons. Que des garçons. Deux sur 12, on est que deux. Quoi. D'accord. Et toi, comment t'es venue au marteau en fait ? Alors, c'est une proposition de mon père, parce que mon père, qui est un grand fan d'athlétisme depuis qu'il est petit, et son père est entraîneur, donc lui aussi il est devenu entraîneur, on regardait souvent les Jeux Olympiques et il m'a dit comme t'es musclé, pourquoi pas essayer de lancer le marteau ? Et j'ai accepté. Et au final, j'ai bien aimé. Ça t'a plu ? Oui. Voilà, donc on continue. C'est ça. C'est ça. Et alors, Elisa, pareil, bonjour. Donc, même punition, footballeuse, toi, Elisa. Bonjour, moi, c'est Elisa. Je suis footballeuse depuis mes 12 ans. Donc, ça fait à peu près 7 ans que je m'entraîne au foot. Dans quel club ? Dans le club de Saulsure. D'accord. Et puis, il y a combien d'équipes dans le club de Saulsure, d'équipes féminines ? Tu sais à peu près ? Vous êtes la seule ou pas ? Non, il y a plusieurs. Environ, je pense qu'on commence à 12 ans jusqu'à senior, ouais. Dont j'en fais partie. Donc senior, toi tu as quel âge ? Moi j'ai 19 ans. Et t'es déjà senior ? Oui. D'accord, t'as les réductions dans le bus, tout ça. Oui. C'est ça. Vas-y, annonce-nous ton palmarès, tout ce que tu veux. Hein. Sinon, j'ai fait beaucoup de sport avant de trouver le foot. D'accord, alors c'était ma question, parce que, donc du coup, alors toi, je sais que ta maman fait de l'athlétisme, ta sœur fait de la gym, ton papa fait du foot, et t'es pas allée au foot directement ? Non. D'accord. J'ai directement commencé par la danse à mes 6 ans. Ah, danse aussi, bon alors décidément, il y a que Jeanne qui a perduré, mais... Après, j'ai testé beaucoup de sports, comme la natation synchronisée, après la gym, et après le volley, et enfin j'ai trouvé ma voie qui est le foot maintenant. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans le foot ? Le fait de courir, j'ai une bonne endurance, du coup j'adore courir, et aussi le fait de marquer et d'être, d'avoir une équipe autour, je trouve ça c'est sympa. D'accord. Par rapport à la danse, où du coup, toi, Jeanne, enfin, t'es pas tout seul dans la danse, mais il y a quand même une équipe au niveau chorégraphie. C'est, vous entendez, enfin, ça fait, on parle d'équipe, on parle de comment ? Bah, je sais pas si on peut parler d'équipe, mais on est tous soudés, donc ça fait quelque chose de. Ça aide quand même. Oui, voilà. C'est un peu sport d'équipe. Oui. Et toi, Aubane, du coup, t'es un petit peu toute seule ou pas ? Oui, ben justement, oui, je suis assez seule. Comme j'ai très jeune, quand j'ai commencé l'athlétisme, c'est directement lancer de marteau et qu'on n'a pas beaucoup de monde au lancer de marteau, bah, j'ai toujours été assez exclue de tous les groupes d'athlétisme, tout ça, que ce soit quand on aille en stage. Donc les stages, c'est aller s'entraîner à un endroit précis, dormir là-bas. Et moi, j'étais toujours assez isolée. Je sais que je suis allée à Paris une fois avec le NAM, avec les autres gens qui étaient à l'époque. J'étais minime, donc qui étaient comme moi. Et je sais que je n'ai pas trop parlé aux gens parce qu'on est très exclus, évidemment, vu que moi, je suis entraînée toute seule. C'est pas. Puis lancer de marteau, ça parle pas trop aux gens. Et ça te manque pas, en fait, de t'entraîner tout seul ? Enfin, ça te manque pas. Non, justement, tu t'entraînes tout seul. Ça te manque pas un peu ce contact, de ce challenge, de la motivation, enfin, de faire une activité puis de la partager, quoi. Au début, si, c'était très dur pour moi. J'avoue que je me sentais assez seule. Et en fait, on n'a pas l'impression de faire de l'athlé quand on fait de lancer de marteau tout seul. On n'a pas l'impression que vraiment de faire partie du sport, quoi. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Je suis très amie avec mon entraîneur, on s'entend super bien. Ouais. Et puis, les gens qui sont sur le stade, des fois, ils viennent me parler ou ils passent. Hein, c'est très. Et puis, je me rends compte que quand j'ai besoin, quand même, quand je fais mes entraînements, j'ai besoin quand même un peu de concentration et de solitude, des fois. Donc, ça m'aide beaucoup quand même. Oui, parce que du coup, c'est très technique et il y a beaucoup de concentration. Et c'est ouais. ça. C'est, oui, après. Si je suis pas concentrée, le marteau dans la cage. Voilà, d'accord. merci pour les présentations. On va commencer tout de suite avec une pause musicale du coup proposée par Oban. Je te laisse présenter ce que tu as choisi. Moi, c'est Northern Attitude de Noah Kahan. C'est un chanteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert sur une autre musique. Et justement, c'était une vidéo de danse. C'était sur False Confidence. Je pense qu'elle est assez connue, cette chorégraphie-là. Et je me suis intéressée à l'artiste. J'ai regardé ce qu'il faisait et j'ai beaucoup aimé la musique qu'il a sortie. Je crois que c'était il y a un an. D'accord, et ben merci pour la découverte. Breathing in, breathing out, how you been? You settled down, you feeling right, you feeling proud. How are your kids? Where are they now? You build a boat, you build a life. You lose your friends, you lose your wife. You settle in to routine. Where are you? Does it mean? Settle down, you're feeling lost, you're getting stoned and kicking rocks. If I get if my northern attitude, oh, I was raised out in the cold. If the sun don't shine till the summertime, forgive my northern attitude, oh, I was raised on little light. De retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport, et on retrouve Jeanne, Oban et Elisa. Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. On est de retour avec vous. Je vais vous demander votre avis. Pour commencer, on est sur les préjugés. Donc je vous lis une petite étude. C'est en 2014, hein, donc ça remonte un petit peu, il y a 10 ans quand même. Mais près d'une personne sur deux est persuadée que certains sports conviennent mieux aux filles qu'aux garçons. Donc selon elle, les filles doivent pratiquer des disciplines censées accroître la souplesse, la grâce et l'agilité, tandis que les garçons doivent plutôt s'orienter vers des sports qui demandent de l'endurance et portent haut la compétition. Le tout sur fond de rapport de force, état d'esprit que l'on pourrait résumer par le fameux cliché du foot pour les filles, du foot pour les garçons, et de la danse pour les filles. Donc la première question, c'est qu'est-ce que ça vous évoque ? Que il faut des deux dans chaque, parce que c'est pas de la même, enfin dans la danse, c'est pas la même façon de danser pour les garçons que pour les filles. Pour moi, il faut des deux. Alors, j'ai oublié de te demander, mais t'as au moins un garçon dans ton groupe de danse. Il y en voilà. a un sur tous les élèves de la danse et dans mon groupe. Et c'est pas le plus mauvais ? Non, pas du tout. Et justement, c'est celui qui est mis le plus en valeur. D'accord. Enfin, un des plus, parce que c'est le seul garçon, du coup, bah... 2014, c'est il y a 10 ans. Est-ce que ça te paraît vraiment des paroles d'une autre époque ? Est-ce que maintenant tu penses qu'on a encore cette sur cette la danse image-là? En tout cas, oui, on pourrait très bien. On peut encore dire le calquer. Que les filles, c'est enfin les garçons, c'est pas fait pour la danse, alors que. D'accord. T'entends encore des choses comme ça. Oui. D'accord. Oban, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, moi, dans le sport que je fais, c'est sûr que moi j'ai le droit des remarques tout le temps, lancer de marteau. Je pense que dès que je dis à quelqu'un, c'est la surprise et je pense que c'est pas, ça me semble pas du tout loin comme époque, c'est presque vrai et plus que vrai. C'est encore ton quotidien, enfin peut-être pas ton quotidien, mais c'est encore d'actualité quoi. Oh, comment relativement mon quotidien, oui. Quand je dis aux gens, bah là, comme je fais beaucoup de compétitions en ce moment, j'en parle un peu et quand j'en parle, on me dit c'est quoi ton sport, bah j'ai lancé le marteau et là, le choc. Ça parce bloque. Que je suis une femme, ouais, et puis évidemment, enfin c'est un autre truc, mais ah mais t'es pas grosse. Bah non. J'ai pas besoin de réponse. Ah oui, donc il y a les préjugés physiques aussi qui arrivent directement, quoi. Oui, bah forcément, parce que quand on est une femme, si on doit faire un sport qui, comment dire, nécessite de la force physique, faut être grosse. Parce que une femme qui est musclée, c'est pas une femme, c'est un homme. Et une femme qui est un homme, c'est pire qu'une femme grosse à la limite. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça, ce genre de choses. Moi, on m'a déjà sorti par même un coach de là où je fais de l'athlé. Mais les bonnes lanceuses de marteau, c'est obligé qu'elles soient grosses. Alors, donc, non, c'est vraiment d'actualité. Moi, je crois que je visais à ça tous les jours. C'est gens. Ah oui, même, je le vois dans le regard des gens quand ils écarquillent les yeux, ils ne disent pas, mais j'entends, quoi. C'est constamment ce truc-là de mais t'es pas un garçon, tu fais peut-être plus de la danse. Non, non, lanceuse de marteau. Lanceuse de marteau. Voilà. Elisa, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que vraiment, ces préjugés, ça me révolte limite. Parce que c'est pas parce que il y a besoin de force, d'endurance, de rapidité dans le foot que nous, les filles, nous pouvons pas l'avoir. Il suffit juste de l'exercice, de la maîtrise. Toujours essayer d'y aller à fond pour pouvoir atteindre ses objectifs. Certes, c'est un peu différent par rapport au niveau, mais c'est parce que les garçons, ils ont commencé depuis plus petit. Nous, les filles, on commence pas vraiment toute petite. Enfin, maintenant, on peut. Mais avant, on pouvait pas. C'est pour ça qu'il y avait une différence de niveau. D'accord. La différence de niveau s'explique parce que, justement, les filles viennent au foot plus tard. C'est ça que tu penses. Et sinon, t'as déjà eu des remarques sur le fait de... Bah, pareil, c'est quoi ton sport du foot. Ah bon, mais c'est un sport de garçon. Beaucoup. Beaucoup. Toujours aussi. Vraiment. Surtout quand je venais à peine de commencer en sixième. On me disait, toi, faire du foot, ça se voit que tu peux même pas courir aussi vite. Alors que, franchement, je les battais tous... Pendant la course au collège. Et surtout, t'as pas assez de frappe, tu pourras pas lever le ballon correctement. Et quand t'entends des remarques, par exemple sur les Coupes du Monde, en disant le football féminin c'est plus lent, c'est moins spectaculaire, des choses comme ça, ça t'énerve, ça te... Beaucoup. Beaucoup. Non, vraiment. En fait, c'est parce qu'ils prennent pas le temps de regarder ils prennent pas le temps de d'examiner tout ce qu'il y a comme différence peut-être, parce qu'ils disent s'il n'y a pas la même popularité, mais c'est parce qu'on veut pas mettre la lumière dessus. Alors que si on met plus la lumière dessus, bah, je pense qu'ils verraient pas trop la différence. Oui, c'est un manque de donc c'est un manque de visibilité selon toi, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation du public en fait sur le fait que comme on montre pas, les gens s'intéressent pas. Oui. D'accord. Aubame, tu hoches la tête, tu penses que c'est la même chose ? Justement, c'est ça que j'entendais aussi beaucoup ça, même si moi j'étais pas concernée par le foot, des filles, je connaissais une fille qui faisait du foot et j'avais entendu une fois dans la classe par exemple, ouais mais de façon par rapport à un autre élève qui lui faisait du foot mais c'était un garçon, elle sera jamais aussi forte ou je sais pas quoi. En fait, il y a toujours une sorte de comparaison de ça peut pas être aussi bien que les hommes parce que ce sont des femmes, en fait. C'est vraiment le préjugé de une femme, ça peut pas courir aussi vite, ça peut pas être forte, ça peut pas... Et oui, moi, pareil, dans mon sport, c'est que ce que je vois tout le temps, ce que je ressens tout le temps, c'est... tu peux pas faire lancer marteau, t'es pas aussi forte qu'un homme, ou alors c'est moins bien, c'est... Il y a toujours cette... Ça sera moins bien. Les résultats sont moins longs, donc ça sera moins bien. Oui, c'est ça. Alors que bon, c'est très différent, en fait. On fait la même chose, mais c'est très différent, parce que justement, on fait le même sport, mais c'est adapté à tout le monde. On peut pas juger la force d'une femme comparée à celle d'un homme, c'est ni la vitesse, tout ça, tout le monde est différent. Même les femmes, entre femmes, elles sont pas égales à leurs aptitudes, donc on peut pas comparer tout le monde et dire que... Moi, je sais que le sport, enfin le foot à la télé, avec mon père, on en avait parlé une fois, c'est... Moi, mon père me disait, j'aimerais bien regarder le foot féminin, mais le truc, c'est que c'est tellement mal filmé. Les gens, ils donnent pas... de la bonne visibilité, du coup évidemment les gens regardent moins et s'intéressent moins parce que la manière dont c'est filmé donne pas assez de budget justement parce que ce sont des femmes, oui, donc évidemment ça rapporte moins quoi. C'est ça. Et toi Jeanne, en fait est-ce que t'as eu des préjugés inverses en disant ouais de la danse bah en gros t'aimes le rose et les paillettes quoi, c'est pas forcément, mais je sais que avec mon ami il m'a déjà dit qu'il s'était déjà pris des commentaires en disant qu'il était plus efféminé, qui ça lui donnait le fait qu'il fasse de la danse, qu'il pouvait être homosexuel ou des choses comme ça. Ah oui, ça lui mettait d'accord. Direct un genre alors que ouais. Pas du tout quoi. Voilà. Chacun. Hein, et quelle alors quelle qualité tu penses qu'il faut avoir pour faire de la danse ? Quelle qualité physique ? En tout cas, dans mes cours, il y a de tout. Il n'y a pas besoin d'être plus souple que d'autres ou quoi que ce soit. Juste tant que t'es motivé et que t'as cette envie de faire les choses bien, bah ça le fait, quoi qu'il arrive. T'as pas besoin d'être fine, d'être... Tant que t'as la bonne condition physique et que t'as pas de problème de santé au niveau des articulations, des choses comme ça, y a aucun souci pour en faire n'importe le poids ou... Donc à partir du moment où t'as pas de qualité précise requise, t'estimes que un garçon ou une fille peut en faire indifféremment. Oui, bien sûr. Au niveau souplesse, y a pas d'histoire de ah bah de toute façon les filles sont plus souples, donc la danse c'est plus pour les filles, des choses comme ça. Non. Et pas de remarque non plus dans le sens où je me pose la question. T'es une fille, tu devrais être plus souple que ça, tu devrais être plus gracieuse ou des choses comme ça. Oui, mais. C'est pas... Je le reçois pas tout le temps. C'est pas le quotidien, oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a de temps en temps, mais... Alors, juste pour savoir, c'est quelle génération ? Est-ce que c'est votre génération, toutes les trois ? Les remarques, elles viennent de gens de votre âge ou elles viennent d'adultes, entre guillemets, ou carrément des générations d'avant, c'est-à-dire plutôt les parents, les grands-parents, ou toutes générations confondues ? Moi, c'est de toutes. Il y a des plus jeunes comme des plus vieux. Des plus jeunes, même. Oui, bah, il y a des parents qui inculquent des choses à leur enfant d'accord. En disant, voilà, sinon c'est un peu tout le monde. Hein. Et vous deux ? Pour ma part, j'ai trouvé que chez les jeunes, ça revenait souvent. Pour la génération de mes parents et de la mienne, j'en retrouvais pas trop des préjugés par rapport à ça, mais surtout aussi des grands-parents et des plus jeunes qui reviennent à cause des réseaux sociaux, je trouve. Avec les réseaux sociaux, tu penses que ça revient ? Oui, beaucoup. D'accord, on régresse sur ce point-là ? Oui. D'accord. Aubane ? Pareil, c'est toutes les générations, je trouve. Enfin, surtout les jeunes, des fois, ils comprennent pas. Déjà, c'est très méconnu, mon sport, aux yeux des jeunes. Et pour ceux qui connaissent, c'est, on voit plus les hommes le faire pour eux. Et généralement, c'est quand je le dis à... Enfin, en fait, ça dépend. Soit les gens, quand je leur dis, ils sont super contents, ils se disent « Waouh, c'est super !» Soit c'est vraiment l'inverse. Donc... Mais c'est vraiment toutes les générations, c'est vraiment un préjugé qui reste parce qui que reste. J'ai pas une énorme visibilité de mon sport. Donc évidemment, il y a des gros préjugés qui sont jamais debunk. D'accord. Alors, je vais vous donner trois affirmations. Vous me dites ce que vous en pensez pour le sport qui vous concerne. Donc, lancer, t'as un petit peu répondu tout à l'heure en disant « De toute façon, t'auras moins de force que... » Si on te dit « De toute façon, t'as moins de force que les garçons, donc tu peux pas bien lancer. » Oui, et justement, comme mon sport est... très méconnu, c'est on pense souvent qu'on a besoin beaucoup de force pour lancer. Alors oui, mais si on a la force et pas la technique, ça sert à rien. D'accord. Honnêtement, moi, si j'arrive à lancer quand même relativement loin au point où j'ai peut-être ma chance pour aller aux France, c'est grâce à la technique. Je suis forte quand même, il faut faire de la musculation pour renforcer parce que je lance du 3 kilos, donc c'est pas non plus, pour mon âge, c'est pas rien, mais voilà. Et en fait, c'est surtout la force et la vitesse qu'on va donner qui fait qu'on lance loin. C'est jamais la force physique, évidemment, elle intervient un peu, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est une infime partie de ce qu'on peut. C'est plus technique. C'est vraiment technique, et là, je suis en train de te confirmer ça dernièrement sur mes entraînements. C'est si on n'a pas la technique, on peut pas lancer. Donc vraiment, c'est très technique, et j'aurais peut-être pas autant de force d'un homme, mais j'ai pas besoin de ça pour lancer loin, quoi. D'accord. Elisa, toi, tu me parlais de vitesse. Justement, ma question, c'est en fait, on reproche souvent au football féminin d'être moins rapide. Donc, toi, tu dis, pareil, c'est la technique qui compte plus. Oui. L'essentiel dans le foot, c'est vraiment de courir tout le temps, d'essayer d'avoir un objectif. Par exemple, si pendant au moins 2 mois, tu t'entraînes pas à avoir de l'endurance, plus à être tenace sur tes jambes, bah, la vitesse, elle suivra pas. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a moins de vitesse. C'est juste parce qu'on fait pas de la paresse, mais qu'on s'entraîne pas souvent. Et toi, Jeanne, en fait, alors toi, ça va être la danse, c'est la souplesse et la grâce. Hein, je reste là-dessus. Mais est-ce que, on va te dire, danseuse, tout de suite, tu vas être souple et gracieuse. C'est le cliché qui vient aussi tout de suite. Oui, enfin, ouais. Pour les gens, faire de la danse, c'est forcément être fine, souple et savoir super bien maîtriser tout d'un coup. Quand on parle de danse, alors que la danse, c'est très vaste. Il y a plein de styles. D'accord. Et alors, vas-y, quelle qualité autre que souplesse et grâce, justement, tu penses qu'ils sont importantes? Retenir, enfin, la mémoire pour tout ce qui est chorégraphie. Chorégraphie, d'accord, ouais. De la vitesse, parce que, enfin, il faut avoir du cardio. Ça peut être, c'est long. Une choré, ça peut durer entre 3 minutes. Il faut travailler le cardio. Oui, voilà. Il faut travailler tout, la mémoire, le cardio. Sport complet également. Oui. Voilà. Eh bien, merci pour votre témoignage. Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Alors, en dernière partie, j'aime bien demander ce que vous avez pensé du témoignage des autres participantes. Donc, dans les clichés, on est en gros sur Elisa et Oban, vous êtes sur les sports de garçons et vous êtes des filles pratiquantes. Hein, et Jeanne, t'es sur le cliché du sport de filles pratiqué par une fille. Donc, on est sur le cliché, c'est fait exprès. Hein. Donc, juste, Jeanne, qu'est-ce que tu as pensé du témoignage de Elisa et Oban? Par rapport au foot, moi, je sais que j'ai une amie qui fait du foot depuis toujours. Et que c'est vrai que j'ai souvent entendu, par rapport à elle, des gens qui parlaient comme ça du foot. Et le marteau, c'est vrai que j'en entends moins parler, puisque du coup, c'est plus... Moi, à la maison, c'est centré à athlétisme, oui. Athlétisme. Et marteau, c'est pas leur catégorie, donc j'en entends... Course à pied, plus. Oui, voilà. Voilà. Du coup, j'en entends pas trop parler, mais... Tu savais qu'il y avait des filles qui lançaient ? Oui. D'accord. Et toi, Oban, au niveau danse, je veux dire, dans ton inconscient, une danseuse, c'était petite personne fragile, paillettes et roses Moi, du coup, pas du tout. Parce que tu connaissais déjà fait. Aussi, ouais. Je sais que depuis que j'étais, j'ai toujours voulu en fait voir par exemple des garçons dans la danse, parce que après les filles c'est bien, mais quand on voit que ça, quand on est interné que dans un seul espace avec eux le même genre, ça peut être un peu compliqué. Et moi je suis plutôt d'accord avec son témoignage, enfin ça représente bien, j'ai envie de dire, la danse c'est pas un truc précis, c'est en fait presque propre à chacun, donc je suis plutôt d'accord avec son témoignage. Et pour le foot, je suis d'accord, hein, honnêtement, je partage le même avis. Et moi, justement, ça me révolte parce que je suis d'accord pour les réseaux sociaux. Moi, quand je vois des TikTok de foot ou sur les réseaux, tout ça, c'est toujours... c'est sous un commentaire d'un TikTok féminin, c'est sûr, je vois que des commentaires de « c'est pas assez bien, c'est nul par rapport... » Ah ouais, c'est vraiment... Dès que c'est quelque chose qui met en valeur une femme qui fait du foot... Ça y est, c'est oui, mais elle, par rapport à cette personne, par rapport à ce joueur, et c'est waouh, ça rend dingue, quoi. Donc les réseaux sociaux desservent vraiment le sport féminin, à votre avis? Ouais, vraiment. Ouais, Lisa, vas-y. Oui, totalement. Ouais. Parce que ça nous met encore plus dans une catégorie, comme si on devait rester à cette place et pas sortir de nos codes en allant chez des sports de garçons, comme disent certains, même si on sait qu'un sport, c'est pas pour un seul sexe, c'est pour tout le monde. Et il suffit juste d'avoir envie de faire le sport et d'aimer ce sport. Et donc, en fait, sur les réseaux, les gens se lâchent un petit peu, tu penses, par rapport à ce qu'ils osent pas te dire en face, sur les réseaux, ils se lâchent, quoi. Oui, totalement. D'accord. Ils se disent qu'ils sont derrière un écran, que personne n'ira leur dire, leur tenir tête, alors qu'en vrai, en face, je pense que la plupart des footballeuses ou des filles qui font des sports de garçons, entre guillemets, elles tiennent tête parce que ça... Elles aiment ce sport, elles se sentent comme attaquées. Oui, puis t'as de quoi te défendre, alors que sur le réseau, tu peux pas, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos témoignages. Merci Jeanne, Oban et Elisa. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.